Voici Guillermo Gris. Oui. Ça va les amigos? Ouais. C'est quoi c'est tout là? T'as pas le con? Non. Tu tousses beaucoup je trouve pour un belge. Par la quarantaine encore? Attends, vous me connaissez, moi j'ai aucune pudeur hein, dans cette émission. Moi je vous dis tout, moi, mon phlegmon, ma bursite, mon panari, je vous dis tout. La fameuse semaine où j'avais été incontinent, je vous l'ai dit ou je le... Je vous cache rien. Eh bien j'ai lu qu'un quart des hommes gardaient leurs caleçons plusieurs jours par semaine. Pas moi, mais si je le faisais, je vous le dirais. Pourquoi? Parce que je vous fais confiance, sauf un. Je vous considère vraiment comme une famille quoi, sauf deux. Je vous inviterai à mon mariage, sauf trois. Et je vous prêterai de l'argent. Sauf 4. Et tant qu'elle elle s'arrête cette blague, hein, c'était long, non? Elle commençait à crier des sauf 5, sauf 6, mais à un moment elle est faite surprise. Hein, tu en fais quoi? Alors, donc, ici dans la bande originale, j'ai quand même tendance à entrer dans l'intime, mais malgré tout, en dépit de l'impudeur, il me reste un jardin secret. Quoi, quoi toi, sextep? Avec Sœur Emmanuel? On l'a tous vu, on l'a tous effacé, tellement t'étais pas à la hauteur. Non, pas ça, un truc plus secret, quelque chose que j'ai. Jamais osé avouer. Vas-y. Un truc que j'ai jamais. Ce qui est horrible, c'est qu'on a l'image maintenant. C'est un ça truc que j'ai jamais osé avouer publiquement. Ok. Bon, je me lance. J'ai une adresse email yahoo.fr. Voilà. Comme Thierry Beccaro. Non, c'est vrai. Et vous allez me dire, Ernesto, fils de la pandémie, t'as pas à avoir honte. Dans les tranches d'âge où on écoute l'émission, souvent les gens, ils voient même pas vraiment ce que c'est un email. Alors, vous êtes minouche, mais c'est inévitable. Quand on se croisera désormais, il y a une partie de vous qui me jugera, qui se dira, là, il vient avec une adresse yahoo.fr. La prochaine fois, ce sera quoi? Une fourrure? Hein? Une carte Michelin? De la Yougoslavie? Non, ah ben. Bon, si avec ça, je gagne pas le prix au festival de l'intro interminable, je comprends plus rien en récompense. Qu'est-ce qu'elle était longue, cette intro? Et Tanguy Pastureau est même pas coquille, quoi. Vraiment, c'est vraiment un truc j'ai fait tout seul. Donc je cherchais une chouette manière par contre de vous parler d'un email que j'avais reçu de Netflix. Ils envoient souvent des emails Netflix pour dire, la plupart du temps c'est pour dire Guy, nous venons d'ajouter un film pour qui, vous. Oui, qui devrait vous plaire. Chaque fois, je joue trop bien. Ils ont peut-être ajouté Les Visiteurs en Amérique. C'est mon film de chevet, quoi. Tu vois, Clavier, il tâtonne, mais Jean Reno, il est au top. À un moment, il dit I'm Thibaut the Sixth. A wizard sent us to the future. Et là, tu te dis, mais il est vraiment fait pour les States, ce mec. C'est pas Reda Kateb qui serait capable de sortir ça, hein, surtout pas avec une cote de maille. Hein. Eh bien, donc pourquoi pas être tenu au courant finalement des nouveautés Netflix? En plus en ce moment je fais que ça, je regardais des films. Moi la dernière fois que j'ai Ken et Mbappé, ils jouent encore à Monaco quoi. On leur reprochait d'être trop humble à l'époque. Eh bien, moi je suis claqué après mes spectacles en ce moment. Donc l'autre soir je mets un film de Big Short, je m'endors après 20 minutes et le lendemain matin je reçois un mail de Netflix titré n'oubliez pas de terminer The Big Short, découvrez la suite, reprenez lecture. J'ai dit putain, il a pris la confiance à mon algorithme. Moi j'ai jamais je vais le terminer ce film. C'est comme quand Nagui au bureau il fait donne la patte. Je le fais hein, mais au fond de moi j'aime pas quoi, vraiment. Et je le fais parce que sinon il sort ma sextape avec Sœur. Mais et si c'est pour que tout le monde se moque parce que j'ai gardé mes sandales. Non mais vraiment, reprenez la lecture putain. Imagine, tu fais tes courses chez Carrefour et le lendemain matin, tu reçois un mail pour dire « Vous n'avez pas terminé votre boîte de thon. Découvrez la suite de votre thon. Reprenez votre thon. » By the way, un email, c'est 4 grammes de CO2. Hein. Il y a 6 millions d'abonnés Netflix en France à qui il arrive parfois, je suppose, de pas terminer un film. Parce que parfois, t'es là, tu regardes un film, tout d'un coup, t'as envie de sortir braquer une épicerie. Et là, sur le chemin du retour, qui te croise? Agnès Buzyn. Tu veux comment ça va la course à la mairie? Oh, super, merci. Et toi? Oh, bah, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de tiroirs d'argent dans le tiroir caisse chez l'épicier, 97 euros. Oh, on a tué le commerce de proximité, Agnès. Ah, bah, qui le dis-tu? Et hop, tu parles programme. Et donc, tu rentres pas pour terminer ton film. Eh bien, si à chaque fois Netflix t'envoie un mail, t'es pas terrible ça. Si à chaque fois. Ça va, je l'imaginais un peu mieux. Sur papier, ça allait, tu vois. Mais ça donne pas bien. Ah, c'est dommage. On apprend tous les jours en fait, comme humoriste. Et même en l'écoutant, tu vois. Ouais, non plus. Je vais direct à la fin de la chronique, non? C'est pas bien? Non, sors. Non, mais t'imagines, si chaque fois que tu termines pas un film, Netflix t'envoie un mail à tous les abonnés Netflix qu'il y a, quoi. Ça fait beaucoup de CO2. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Tu vois, je suis sur la On peut savoir ce que tu faisais d'autre pendant que regardais Netflix, hein? Non. Pas terrible non plus. En fait, c'est vraiment dommage parce que moi, j'avais... Mais non. On peut pas toujours être bien dans une chronique. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. France Inter. Midi. La bande originale. Guillermo, t'es un escroc.